bum bottom bottom bum bottom bottom bum bottom bottom bottom. Bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes dans l'émission de Portrait Civique, l'émission qui dresse un portrait de jeunes en service civique chaque semaine. Et aujourd'hui, on est avec Amandine des Jeunes Pousses. Bonjour. Bonjour. Alors Amandine, tu es donc en service civique dans cette école donc qui est au Girmont-Val-d'Ajol, c'est ça ? C'est ça. Dis-moi, tu es girmontoise, c'est ça qu'on dit, ou ajolaise ? Non, je suis Romarie-Montaigne et je ne connaissais pas du tout le lieu de l'école avant. D'accord. Et non, je ne suis pas du tout du Girmont-Val-d'Ajol. Alors, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots peut-être sur l'école des jeunes pousses ? Alors, ça a démarré quand à peu près ? Alors, ça a démarré, donc l'école a été ouverte en septembre 2017, mais l'association Les Jeunes Pousses existe depuis à peu près 3-4 ans, si je ne me trompe pas. Donc, présidée par Jennifer Calam, que vous avez pu interviewer il n'y a pas très longtemps, il me semble. Oui, dans la bulle de l'IA. Alors, je crois que c'était quand même il y a un petit moment, peut-être qu'on peut retrouver pour les gens qui nous écoutent les podcasts, mais je crois que c'était quand même avant l'ouverture Il me semble que c'était ça, avec l'institutrice Agnès, il me semble. D'accord. Et lui, donc, c'est une école alternative, donc avec pédagogie Montessori, mais pas que sur ça. Mm-hmm. Et puis voilà, donc actuellement nous avons une dizaine d'enfants, donc on est deux séparés en deux classes, donc c'est pas des classes comme on peut connaître dans des écoles publiques normales comme on peut connaître, donc c'est pas de CP, CM1, tout ça, c'est la classe des maternelles, donc les 3-6 ans, et la classe des primaires, les 6-12 ans, donc actuellement nous avons à peu près 7-8 petits et 2 grands pour l'instant. Okay. Donc les préinscriptions sont ouvertes actuellement pour envisager pour l'année prochaine. Et voilà, on espère avoir plus de public, on démarre comme ça et on espère pouvoir augmenter au fur et à mesure du temps. Alors c'était une association qui a vraiment été créée dans le but de faire une école ? Dans le but de faire une école, et on propose, l'association propose des autres manifestations. Donc on propose également Des ateliers Montessori, des ateliers aussi par exemple où j'ai pu participer sur la communication non violente, donc la bienveillance avec les enfants, et des interventions avec des professionnels, par exemple dernièrement sur une dame qui était venue, alors je n'étais pas là, mais il me semble que c'était une dame qui était venue pour comment traiter l'autisme, comment se comporter avec des enfants avec différents handicaps, donc dysphasie, dyslexie, tout ça. Donc on propose des manifestations comme ça pour pouvoir générer des dons pour l'association, pour du public extérieur. Donc on a tout public qui vient aux interventions, donc autant des personnes âgées que des adultes, que de différents milieux aussi également. Donc voilà. Comment l'association a fait pour connaître l'école dans le coin et que les enfants viennent Je pense vis-à-vis des réseaux sociaux, avec des affiches, à travers le journal, vraiment tous les médias possibles. Pour faire connaître au maximum l'école. Moi, personnellement, je l'ai connue au Forum du Service Civique. Donc, je ne connaissais pas du tout l'association, ou en tout cas l'association. Je l'ai connue quand j'étais au Forum, donc peut-être de via les forums. Vraiment, il y a eu diverses façons, toutes les façons possibles pour connaître l'école. Et tu sais un petit peu comment ils ont fait pour trouver des locaux ? Est-ce que ce n'est pas dur quand on est une association et qu'on veut une école parce qu'il y a un peu des normes, des choses comme ça ? Je pense que ça a dû être un petit peu difficile pour eux au début. Mais c'est aussi un des problèmes d'ailleurs de pourquoi on n'a pas beaucoup d'enfants, c'est la localisation. Mais ils ont choisi l'endroit là, car les locaux étaient prêtés gratuitement par la mairie. Et okay. Je pense que ça a peut-être, je ne sais pas, jamais trop posé la question, mais je pense que pour la présidente, c'était peut-être un petit peu difficile au début de trouver des locaux, je ne sais pas, je pense. Alors peut-être... Peut-être que tu ne connais pas la réponse si tu n'es pas girmontoise ou ajolaise, mais comment les gens du coin ont vu le fait qu'une nouvelle école ouvre alors qu'il y a déjà des écoles publiques, alors peut-être plus sur le Val d'Ajol que le Girmont même, c'est ça ? Alors la question c'est si c'est bien passé Est-ce que les gens le perçoivent bien ? Ouais, perçu, le maire était très content que l'école soit à nouveau ouverte, parce que d'après ce que j'ai compris, il y avait une ancienne école. donc, ouais. qui a été fermée il y a une dizaine d'années, il me semble, elle a été fermée. Et ça a été très, très bien perçu par le maire, par les villageois en général. Ils sont contents qu'il y ait de nouveau de la vie au sein de cette ancienne école. Donc non, ça a été très bien perçu. Mais d'après ce que j'ai pu voir, en tout cas, dans le journal du Giremont, tout ça, ça a été très bien perçu, au contraire. Alors, tu nous as parlé de la méthode Montessori. Est-ce que tu saurais nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est ? Alors, la pédagogie Montessori, donc en quelques mots, ça a été créé par Maria Montessori, qui était la première femme médecin italienne, en Italie, tout simplement. Et elle avait créé une pédagogie à la base pour des enfants handicapés. Donc, en quelques mots, c'est ça, je ne vais pas aller plus loin. Et cette pédagogie se base surtout sur l'autonomie de l'enfant. On favorise sa confiance en soi et on le laisse libre de faire ce qu'il veut dans ses choix, dans son travail, puisqu'on ne parle pas de travail, mais il fait vraiment ce qu'il veut sans non plus trop de liberté. Ce qui est différent du coup par rapport à une école, on va dire, classique. C'est ça. Est-ce que du coup, toute la journée est rythmée, tout le monde doit faire pareil en même temps, école justement, l'enfant choisit ce qu'il veut faire. Et voilà, c'est complètement différent d'une école classique, entre guillemets, oui, c'est ça. Et c'est pas dur, justement, de gérer un petit peu le fait que chacun va dans un coin, il y a un autre gamin qui va alors dans non, l'autre. Alors non, c'est vrai que c'est mal perçu aussi, parce qu'on pense tout de suite que c'est l'enfant roi, il fait vraiment tout ce qu'il veut, il tape un enfant, on dirait, non, c'est pas ça non plus, il y a quand même un cadre qui est posé. En général, donc, quand ils arrivent dans une école Montessori, il y a trois règles, en général, qui sont posées, c'est de parler doucement, de marcher doucement et de respecter les autres. Et il y a un cadre, ils savent que ils font pas ce qu'ils veulent non plus. Et non, il y a un cadre, hein, mais c'est pour ça aussi que ça peut être mal perçu, c'est la bienveillance, je cherchais le terme. La bienveillance, ça peut être mal perçu pour certaines personnes parce qu'on pense que c'est tout de suite, il fait ce qu'il veut, alors que non, il fait ce qu'il veut, mais il y a un cadre qui est posé dès le début de l'année. Donc en général, les enfants savent dès le début de l'année qu'il y a des choses qu'ils ont le droit de faire et d'autres qu'ils n'ont pas le droit de faire. Justement, tu t'es déjà heurté à des gens qui te disent « Oh là là, tu travailles dans une école comme ça, c'est Alors mieux, oui, dans mon entourage, au début, même moi, au tout début, je ne connaissais pas du tout, je me suis dit « Oh là là ». Et non, même dans mon entourage, on pensait que c'était vraiment, il n'y avait aucun cadre, ou même des personnes extérieures, de ce qu'on a rapporté, enfin de ce que mes collègues m'ont rapporté, de ce qu'elles ont pu entendre aussi par rapport à la bienveillance ou le Montessori. Et du coup, on essaie de leur expliquer. Bon, il y en a qui sont un peu sceptiques ou d'autres qui ne connaissaient pas du tout. Et une fois qu'ils connaissent, oui, effectivement. Donc chacun pense à une façon de penser par rapport à ça. Mais si on explique bien, en général, ça passe bien après. Ok. Et donc, tu as parlé aussi... Alors, je crois que tu as parlé de résolution de conflits. C'est ça, saurais dire un petit peu. Parce que du coup, pour les auditeurs peut-être qui avaient déjà écouté l'émission d'avant, j'ai été en formation parce que du coup je suis en service civique moi aussi, et j'étais dans une formation obligatoire avec Mirador et qui propose justement de la résolution des conflits, la communication non violente, et justement elle disait ça marche très bien avec les enfants. C'est ça. Donc j'imagine que ça devait être un peu le même principe. C'est le même principe, donc si des enfants ont des soucis, ils ont une bagarre, on va aller voir avec eux et on leur demande ce qui s'est passé. Mais on n'intervient pas tout le temps. On les laisse aussi gérer ça entre eux. Et il y a seulement besoin d'intervenir si vraiment ça dégénère. Mais en général, les enfants arrivent à régler ça entre eux. Et ça se passe bien, quoi, après, avec ça. Et tu saurais dire, c'est quoi un petit peu cette technique, ces outils qu'ils ont, les enfants, pour gérer quand ça ne va pas ? Est-ce qu'ils ont des petites questions à poser à l'autre ou... C'est ça. Ouais. C'est ça. Donc au début, il y a toujours un petit peu de chamaillerie, forcément, ça reste des enfants. Et en général, moi, en tout cas, de ce que j'ai pu voir de mon expérience à l'école, il y a toujours un enfant à l'extérieur qui fait un peu le médiateur entre les deux. Donc il dit oui, par exemple, admettons, il y a une bagarre au bac à sable pour une histoire de seau. Le troisième enfant peut l'avoir vu, lui dire, attends, il y a un seau rose là-bas, tu peux le prendre, par exemple. Il y a un enfant qui est médiateur de ça aussi, par exemple. Proposer des alternatives. C'est ça, proposer, mais ce n'est pas toujours à nous, adultes, d'intervenir. C'est les enfants qui peuvent aussi réussir à gérer ça entre eux, si vraiment ça ne dégénère pas trop loin. Et au contraire, il n'y a pas le troisième enfant qui vient et qui remet du grain de sel. Alors ça dépend, oui, des fois ça peut arriver, mais c'est rare. Mais oui, effectivement, il y a toujours le troisième enfant qui vient un petit peu mettre du bazar dans tout ça, mais c'est rare. En général, non, ils arrivent toujours à bien s'entendre et à trouver une solution ensemble après entre enfants. Ok, et toi tu es là depuis la rentrée, donc depuis septembre 2017, c'est ça. Donc tu as pu déjà voir que ça se passe bien, ce genre de choses alors ? Ça se passe très bien, oui. Ok, les enfants sont réceptifs donc. C'est ça. Et alors, donc un autre aspect aussi, c'est pas de punition, pas de récompense. Comment vous gérez du coup quand un enfant a fait une bêtise Est-ce que du coup il va pas au coin, j'imagine ? Non, il a pas de... au coin. Non, la punition, on n'applique pas ça à l'école. Donc il n'y a pas de punition, il n'y a pas non plus le principe de récompense. Par exemple, quand il fait une grosse bêtise et qu'il pique une grosse colère, on lui dit simplement mets-toi dans un endroit calme où tu te sens bien et quand ça ira mieux, tu reviens. Donc il se calme dans son coin et en général après ça se passe bien. Et après on revient avec lui, on peut lui dire ça va mieux, est-ce qu'on peut en parler ? Donc l'enfant, bon, il dit oui en général. Et on lui réexplique, est-ce que tu sais pourquoi je t'ai dit que c'était pas bien ce que tu as fait ? Enfin, pas bien, puisqu'on n'utilise pas le terme pas bien ou bien. Mais on lui dit, on lui rappelle, est-ce que tu sais pourquoi il fallait pas que tu fasses comme ça ? Ou, bah oui, parce que c'est ce que j'ai fait, il fallait pas que je le fasse, bon, bah voilà. Donc après, il y a une résolution de conflit aussi, là, par exemple. Donc on revient avec l'enfant, une fois qu'il est calmé, on essaye d'avoir une discussion posée avec lui. Et pareil, le principe de récompense, même on ne dit pas c'est bien. Par exemple, quand il a fait un travail, on ne lui dit pas « Ah, c'est très bien ce que tu as fait. Alors, je vois que tu es content du travail que tu as fait. C'est très bien, voilà. » Mais il ne faut pas non plus s'alarmer. « Ah, c'est bien, moi j'ai dit c'est bien, c'est pas grave. » Non, mais c'est une habitude à prendre aussi. Même moi, quand il me montre des dessins, « Ah, c'est chouette ce que tu as fait. » Ah non, faut pas dire, c'est chouette tout de suite. Est-ce que tu es content du dessin que tu as fait ? D'accord. Moi, oui, je suis content. Moi, tant mieux. Plus mettre en fait en avant ce que l'enfant a ressenti quand il a accompli sa tâche que ce que l'adulte valide ou pas valide. C'est ça, qu'il n'y a pas non plus d'erreur ou de juste. L'enfant est conscient de si ce qu'il fait est juste ou pas. Donc c'est lui qui se fait son propre avis, simplement. Ok. Voilà. Alors du coup, c'est triste, pas de récompense, pas d'image. Pas d'image, pas comme à l'école maternelle, non. C'est ça. Après, c'est pas pour autant qu'on les félicite pas non plus. Hein. S'ils sont contents, s'ils ont fait un très bon travail, on leur félicite quand même. Hein. C'est pas des malheureux non plus, hein, au contraire. Du coup, il y a pas mal aussi d'entraide, du coup, comme tu as dit, ou de résolution de conflits, d'entraide entre les enfants. Oui. Et donc, c'est pour ça aussi que vous mixez, entre guillemets, une classe avec plusieurs âges, c'est ça ? Alors, c'est pas vraiment pour ça. Nous, on sépare, on fait des classes différentes avec donc 3-6 ans, en tout cas dans notre école, parce qu'il y a d'autres écoles, ils ont 3-4 ans, une autre, ils ont 5-6 ans, donc ça dépend vraiment des écoles, mais en général, c'est primaire et maternelle séparés, donc nous, c'est 3-6 ans et 6-12 ans. Nous, on fait ça parce que les groupes de maximum 15 enfants par classe, c'est plus facile pour pouvoir les prendre au cas par cas, donc sans utiliser de termes péjoratifs, pour pouvoir vraiment prendre du temps avec l'enfant quand on travaille avec lui. Comme ça, si un enfant qui évolue plus vite que ce qu'il peut faire à son âge, eh ben, on continuera à évoluer à son rythme. Et si un enfant qui a un peu plus de retard, eh ben, on s'adaptera. Donc c'est vraiment pour s'adapter à chaque cas, c'est pas pour que ça soit plus facile dans la résolution de conflits, c'est vraiment plus pouvoir faire du cas par cas et vraiment prendre son temps avec chaque enfant que ce qu'on peut faire avec 30 enfants dans des écoles publiques classiques. Et du coup, tu m'as dit qu'il y avait une classe élémentaire, ça, où ils étaient que deux ? Oui, donc au début, ils étaient trois et ils sont passés à deux. Ok, c'est pas trop dur pour eux d'être que deux dans une classe où ils se mélangent des fois, je sais pas, le temps des repas, le temps des récré avec non, les autres ? Non, ça va. Bah, après, les temps de repas, on mange tous ensemble dans la grande classe. Donc la classe des grands, ils ont une très grande table, donc on mange là. Mais non, ça me semble pas difficile pour eux. Après, ils sont une fille et un garçon. Donc les parents font en sorte qu'ils aient des activités extérieures. Par exemple, on a un garçon qui fait les scouts pour qu'il ne voit pas qu'une seule fille. Puis il voit d'autres enfants de son âge aussi à l'extérieur. Donc non, pour l'instant, ils sont pas trop malheureux non plus. Enfin, en tout cas, ils ne me le montrent pas. Donc non, ça se passe bien. Non, ça va. Alors, une petite question. Du coup, moi, j'avais fait une émission un peu sur l'égalité homme-femme et j'ai rencontré pas mal de gens qui disent c'est important, justement, l'école maternelle, l'école primaire, justement, de déconstruire un peu ces idées de genre. Et j'avais rencontré quelqu'un qui était un peu dans ce genre d'école et qui disait, ben non, en fait, nous, c'est pas forcément une valeur qui est prônée dans Montessori ou d'autres choses. Mais, par exemple, comme on fait pas de jeux qui reproduisent la réalité, par exemple, jouer à la dinette, il y a un peu ces stéréotypes, on n'y travaille pas. Du coup, je ne sais pas, est-ce que ce que vous travaillez un petit peu là-dessus ou pour vous, c'est tellement évident que ce n'est pas forcément une des choses... J'ai compris la question, mais Je pense pas. Ouais. Le transmettez pas ça, mais je pense pas que... Que nous, en tout cas, à l'école, il n'y a pas de dinette, il n'y a pas de jeux stéréotypés garçons ou de jeux stéréotypés filles. Par exemple, les présentations Montessori, donc la vie pratique. Mm-hmm. Donc, ils ont des plateaux. Avec un plateau, par exemple, apprendre à nettoyer un miroir. Autant la fille que le garçon, une fois que ça lui a été présenté, peut le refaire. Par exemple, nous, on ne l'a pas dans notre école, mais dans d'autres écoles. Il y a aussi, dans le Montessori, dans la vie pratique, il y a la broderie. Si un garçon veut le faire, il peut faire de la broderie aussi. Donc non, il n'y a pas vraiment... C'est ça la question que vous me posiez, en gros. Oui, c'est ça un peu. C'est ouais. Est-ce que vous faites des tâches différentes selon les du garçons? Du tout, non, non, il n'y a vraiment pas de stéréotypes. Après, nous, on n'a pas de jeux de ginette ou de jeux de poupées de garçons ou de poupées de filles. Il n'y a pas de ça. Mais surtout, en vie pratique, autant le garçon peut laver une table qu'une fille, peut laver le miroir qu'une fille, peut verser de l'eau dans un verre qu'une fille. Enfin, il n'y a vraiment pas de stéréotypes là-dessus, justement. Tout le monde participe et ouais. Ok. Après, la question, elle est peut-être un peu plus loin, dans le sens où il y a aussi faire attention à tout ce qu'on dit aux enfants. C'est ça. Voilà, un enfant, un garçon qui pleure, tu lui dis ne pleure pas parce que tu es un garçon. Après, je pense que c'est. Non, justement, c'est même pas on fait attention, c'est que c'est logique. Si un garçon a envie de pleurer, bah, il pleure. Tout le monde pleure, tous les enfants. Non, justement, il n'y a aucun stéréotype là-dessus. Non. Ça rentre un peu dans le cadre de la bienveillance. On laisse. C'est ça, c'est la bienveillance, c'est ça. Ok. C'est ça. Alors, tu nous as parlé un petit peu des classes, comment c'était organisé. Tu avais l'air un peu de connaître d'autres classes, d'autres écoles qui reprenaient un peu le même principe. Je ne sais pas, tu as un peu entendu parler, rencontré des gens d'autres écoles des Vosges ou ailleurs? Je connais l'école des Souris Vertes à Saint-Dié. Mm-hmm. Donc, je sors justement d'une formation et j'avais été postulée aussi chez eux, donc j'ai pu visiter un petit peu les locaux. Et eux, par contre, ils fonctionnent par âge, si je comprends bien. Je crois que c'est 5-6 ans, 7-9 ans, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Donc, les plus petits, ils ont regroupé. Il y a deux salles différentes, mais ils sont collés l'une à l'autre. Et les plus grands, ils sont dans d'autres locaux. Et ils ont chacun un nom. Donc, il y a la classe des abeilles, la classe des lynx. Et l'autre classe, je ne sais plus c'était quoi les noms. Mais ça fonctionne. Ce n'est pas tout à fait comme nous, quoi. Donc, ils sont vraiment classe par classe. Ils ont un éducateur par tranche d'âge. Que nous, on a vraiment les tout-petits, 3-6 ans et 6-12 ans avec les plus grands, ils ont un professeur. Et dans les 3-6 ans aussi, on a un éducateur qui est là. Alors, une petite question, c'est qu'il n'y a pas... après, les enfants vont au collège. Du coup, il n'y a pas de collège Montessori, collège comme ça. Il y en a très peu. Il y en a très peu, ça commence seulement à... Il me semble qu'il y en a une à Mulhouse, mais je me trompe peut-être, mais c'est très rare, oui, effectivement. Du coup, c'est le choc pour eux, ils passent, entre guillemets, d'une école au collège classique On en parlait avec certains parents, ou même avec des personnes extérieures, qui ont très peur du choc, entre guillemets, que ça puisse faire de passer d'une école primaire Montessori à tout de suite un collège classique. Donc, je ne peux pas trop vous répondre, parce que ça dépend vraiment des enfants, peut-être qu'ils vont s'adapter de suite, on ne sait pas. Mais il y a des parents, oui, effectivement, ils ne nous cachent pas leurs craintes, par rapport à ça, et c'est vrai qu'il y en a très très peu en France qui font des collèges Montessori, il y en a très très peu. Et du coup, il n'y a peut-être pas assez d'expérience, on va dire, l'école n'a pas assez de recul pour savoir comment c'est les enfants vont s'adapter après, puisque c'est ça fait... C'est ce qu'on a expliqué dernièrement, on peut pas leur dire, vous inquiétez pas, ça va aller, on ne sait pas. S'il faudrait... La seule solution peut-être, ce serait qu'ils en développent plus, et peut-être, je ne sais pas, par exemple, entrer en immersion avec un collège Montessori... Ou reprendre, avoir des témoignages d'enfants qui sont passés d'école Montessori au collège classique, peut-être. Même nous, en tant que professionnels au Girmont, on n'a pas vraiment la solution. Mais effectivement, on a eu des retours par rapport à ça et on n'a pas assez de recul justement par rapport à ça. Alors, tu m'as dit du coup qu'il y avait 7 enfants pour la première classe et 2, c'est ça deux pour l'autre. Donc, encore des places, si des gens nous écoutent, ils peuvent encore inscrire leur enfant pour l'année prochaine. Exactement, donc n'hésitez pas, on a vraiment besoin de monde. Et ça sera avec plaisir, même juste si vous avez besoin d'aller visiter l'école, que vous êtes un parent qui vient d'emménager dans les Vosges, ou que vous avez entendu parler de l'école, vous pouvez prendre contact avec la présidente. Pour visiter l'école et pour en discuter, on est très ouverte, il n'y a pas de souci, on est ouverte au dialogue. Donc oui, on a ouvert les préinscriptions jusqu'au 20 mai. Et donc à vos stylos, à vos claviers, n'hésitez pas. Il n'y a pas de souci pour qu'un enfant passe d'une école publique à une école Montessori? Non, du tout, non. Et du coup, combien sont les droits d'entrée et frais de scolarité? Combien, pardon? À combien s'élèvent les droits d'entrée et frais de scolarité? Alors, parce on que, est l'école du coup... la moins chère de France. Ouais. Donc, c'est 200 euros par enfant. Mm-hmm. Et après, c'est tout ce que je sais. Il me semble qu'il y a un tarif, par exemple, pour deux enfants, je crois que c'est 4000 euros, mais je ne sais plus. Donc, mais je sais que c'est 200 euros pour par l'année? Enfant. Pour une année. Pour un mois, pardon. Ah, pour un mois. Le 200 euros le mois, pardon. Ok. Mais du on coup... est l'école la moins chère de France. Ok, dis-moi, 2000 euros. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est ça, c'est une école privée hors contrat, quoi. Du coup, c'est pas une école publique, quoi. Pardon. C'est une école, du coup, qui n'est pas publique. Non. C'est-à-dire que les personnes enseignantes ne sont pas, comment dire, fonctionnaires, c'est ça, en c'est fait. C'est ça. Ok. C'est ça, c'est ça. Et alors, une des valeurs qui est prônée à votre école des jeunes pousses, c'est la mixité sociale. Mais c'est pas, est-ce que c'est pas un peu dur justement pour des gens qui, ben de trouver des fois 2000 euros pour les enfants, ou au contraire il y a des gens qui n'ont pas forcément des gros moyens mais qui veulent vraiment tout mettre pour leurs enfants C'est ça, il y a vraiment des parents qui n'ont pas forcément des gros moyens mais qui sont vraiment intéressés par cette pédagogie, cette manière de vivre, tout ça. Donc, en tout cas nous les parents qu'on a c'est ça. Après, pour les personnes extérieures, je ne sais pas, mais en général, c'est vraiment pas le tarif qui pose problème, c'est vraiment la localisation. Pour, par exemple, on a une maman qui vient de Bain-les-Bains. Ah ouais? Ouais, donc c'est que vraiment, elle prône ça, donc ouais, non, vraiment, c'est plus un souci de localisation que de tarif. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vraiment eu de gros retour dessus, personnellement. Donc non, en général, non, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc. Ok, je vais te proposer, parce que du coup le temps passe quand même assez vite, de faire une première pause musicale, et puis on revient tout de suite donc, dans l'émission de Portrait Civique, et ben, pour continuer un petit peu de parler de l'école des jeunes pousses, et puis bien sûr de parler de ton service civique. Pas compliqué, je vais tout expliquer. Seul le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. Oh bon? Dis papa, dis papa, dis-moi, dis-moi, comment c'est fait dans une auto? Dis papa, dis papa, dis-moi, dis-moi, comment c'est fait dans une auto? C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. C'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin qui passe par ici et qui va toucher le petit machin. Et le petit machin qui repasse par là et qui fait marcher le petit zinzin. Ah bon? Et papa, dis-moi, dis-moi, comment on fait pour les bébés? Et papa, dis-moi, dis-moi, comment c'est pas compliqué, je vais tout expliquer. C'est le petit zinzin, le petit machin, le petit zinzin. Ah bon? C'était une chanson d'Henri Dess, le petit zinzin. Oui, une chanson donc pour les enfants, parce que du coup, on est avec Amandine en service civique, donc dans l'émission de Portrait Civique, donc à l'école des jeunes pousses. Alors du coup, on parlait un petit peu de l'école, et tu voulais revenir un petit peu sur le fait qu'effectivement, l'école Montessori, des fois, c'est bien pour les enfants qui n'arrivent pas à s'adapter, ou l'école publique, entre guillemets, n'est pas adaptée pour eux, ouais. C'est pour eux, peut-être qu'il y a trop de règles, ou peut-être trop de règles pour eux. Et des enfants, par exemple, qui ont du mal à tenir en place et qui, du coup, se font tout le temps punir, ça peut être un petit peu compliqué pour eux. Et comme dans notre école, on ne privilégie pas du tout la punition, effectivement, ça peut être tout à fait idéal pour eux, oui, effectivement. Et du coup, des fois, il y a des enfants qui sont... Est-ce que vous avez déjà eu des enfants où il faut un petit peu des méthodes différentes, qui sont des fois dans des parcours scolaires différents, qui peuvent venir en Montessori ? C'est ça, tout le monde peut venir avec des troubles comportementaux, pardon. Et, sachant qu'il y a une période d'essai d'un mois, donc pour voir si on arrive à s'adapter à l'enfant, parce qu'il faut savoir qu'on est éducateur Montessori, mais pas éducateur spécialisé. Donc si l'enfant arrive à s'adapter et nous, on arrive à s'adapter à l'enfant par rapport à ses difficultés comportementaux ou du fait qu'il vient d'une école publique classique, oui, il n'y a pas de souci, tout public est accepté, les enfants handicapés aussi également. Donc voilà. Vous êtes, oui, du coup, les locaux sont faits pour quelqu'un qui vient en fauteuil ou handicapé au moteur, quoi. Oui. Ok, et c'est vrai que tu as parlé d'autisme tout à l'heure. On peut amener son enfant autiste à l'école, bien sûr, oui, pas de souci. Oui, oui. Parce qu'effectivement, notre gouvernement a parlé ces derniers temps pas mal d'autisme. Est-ce qu'il y a des aides comme ça pour les enfants qui viennent à l'école pour payer les frais ? Je pense pas, non. Ouais. Je pense pas, non. Peut-être les parents, peut-être qu'ils doivent regarder de leur côté, mais comme c'est nous qui, comme on n'a aucune aide de l'État, il faut savoir, les écoles qui sont gérées par des associations, pardon, Montessori, on n'a aucune aide de l'État. Je crois. Et donc, on fonctionne avec les dons, avec les parents qui payent l'école, avec les manifestations qu'on organise. Donc, peut-être que les parents ont de leur côté une aide, mais nous, en tout cas, par rapport aux enfants handicapés, nous n'avons pas d'aide. Alors, encore quelques petites questions sur l'école. Quelle est la place des parents dans l'école ? Alors, ils sont très, très investis. Alors, par exemple, tous les week-ends, en période scolaire, il y a un parent qui alterne pour faire le ménage, par exemple. Les parents nous aident à, par exemple, dernièrement, on a fait un loto. Donc, il y a un parent qui va peut-être ramener des pâtisseries, qui va aider nos collègues à installer les tables, à préparer la salle. Ils sont très, très investis dans l'école et ça, c'est super. On a vraiment des parents qui, on voit qu'ils sont utiles pour l'intérêt de leur enfant, qui ont de l'intérêt pour la pédagogie. Et c'est aussi ça, le fonctionnement de l'école, c'est que tout le monde puisse arriver à vivre ensemble et on s'entraide. Donc, c'est vraiment une vraie communauté. Et non, ça se passe très bien. Tout le monde est très bien intégré. Non, les enfants, les parents s'investissent très bien dans l'école. Quand du coup l'école a été créée, il y a eu donc toute une phase de préparation avec les gens de l'association, les enseignants et aussi les parents. Donc c'est pour essayer de trouver des valeurs communes, c'est ça, si j'ai bien compris, c'est vraiment pour que tout le monde soit d'accord. C'est ça. Comment ça se passe s'il y a un parent qui veut prendre une valeur et que nous on est un peu moins d'accord Est-ce qu'il y a déjà eu un peu des différends ou été facile On en parle et on essaye de trouver des solutions pour qu'un parent qui n'est pas d'accord avec une telle chose puisse y trouver son compte aussi, c'est normal. Et non, on en parle et puis on essaie de trouver des solutions, simplement. Donc pour un enfant qui veut s'inscrire prochainement pour l'école, c'est très important, en fait, cette étape de rencontrer les parents et de voir s'ils c'est ont ça. Les mêmes valeurs. Ils ne sont pas forcément obligés d'avoir les mêmes valeurs que nous. Mais s'il accepte d'être dans l'entraide, d'aider, d'en parler, tout ça, il n'y a pas de souci, mais il n'y a pas vraiment de valeur plus ou moins importante à prôner. Hein. Okay. Chaque parent vient avec, tel qu'il est, hein, donc il n'y a pas de profil type de parent idéal pour le Montessori, hein, au contraire. Alors, il y a pas mal de petites valeurs que j'ai vues un petit peu à droite à gauche sur votre site. Pour toi, c'est lesquelles que tu retiendrais, qui t'ont vraiment marqué depuis septembre D'enfant ? Non, sur les valeurs, on va dire, quelque chose qui est peut-être plus prôné ici que dans une autre école. Ouais. La bienveillance, c'est... Vraiment le mot qui te marque. Plus, et c'est vrai que je ne pensais pas trouver un jour une pédagogie qui puisse me correspondre. Et c'est vrai que la bienveillance, c'est vraiment ce qui m'a vraiment le plus marqué, autant avec les parents qu'avec les enfants. Bon, après, il ne faut pas dire non plus que les écoles publiques martyrisent, hein, c'est pas la question, mais... Juste le fait de prendre du temps avec un enfant, de s'adapter à lui, d'être la bienveillance, c'est vraiment la valeur qui m'a le plus marqué, que ce soit vis-à-vis de l'école ou de la pédagogie en elle-même. Alors, il y a un peu un mot qui revient souvent, c'est l'écologie, un peu tout ce qui est jardin, la nature. Toi, c'est quelque chose qui te parle ? L'écologie, jardinage, oui, ça fait partie des principes Montessori, la botanique, tout ça, oui. Et toi, quand tu as entendu parler de cette école des jeunes pousses, est-ce que c'était des choses qui te parlaient ou c'était plutôt en mode j'ai envie de découvrir et je vais voir ce que c'est ? Les deux, envie de découvrir et c'est vrai qu'au moment où je les ai connus, j'étais dans un moment où j'avais besoin de... ça me manquait un peu tout ce qui était la botanique, tout ça. Et quand elles m'ont présenté l'école, j'étais mais comme une gamine dans un magasin de jouets, je trouve c'est génial. Enfin, le cœur me plaisait. Et quand j'ai assisté aux portes ouvertes au mois de juin, juillet, quand j'ai vu le lieu, on est autour des montagnes, on est à une minute à pied de la forêt, enfin, on a une cour. Derrière, on a de quoi pouvoir faire un jardin. Enfin, c'est génial, quoi. Non, c'est vraiment quelque chose qui me parlait et qui me donnait vraiment envie. Ça change de ce que j'ai pu connaître auparavant lors de mes stages en école publique. Et ça me manquait quelque part. Je ne me rendais pas compte, mais ça me manquait d'être en rapport avec la nature, tout ça. Puisque quand j'étais petite, je sortais beaucoup dehors, je montais dans les arbres. Et ça me manquait. Et c'est vrai que ça fait du bien de retrouver tout ça. Alors justement, on va peut-être arriver à la question. Comment es-tu arrivé à chercher un service civique ? Est-ce que c'est un lien avec ton parcours Alors, je suis ressortissante d'un baccalauréat professionnel donc qui me permet de travailler auprès d'enfants, personnes âgées et personnes handicapées. Et donc moi, mon créneau principal, c'était vraiment la petite enfance. Et pendant un an, donc après mon bac, je n'ai pas trouvé de travail, si ce n'est que dans l'aide à domicile, du travail d'été. Mais je voulais vraiment me concentrer sur ça, voir si vraiment c'était si bouché que ça. Et effectivement, c'est trébuché, où ça joue à une semaine d'expérience en plus par rapport à un autre ou à un diplôme. Et donc, du coup, j'ai passé mon CAP Petite Enfance, que j'ai obtenu courant juin. Et on m'a parlé d'un service civique. Donc, je me suis dit, oui, bon, je voudrais quand même un vrai salaire ou quelque chose comme ça. Et on m'a dit, va voir quand même. Et donc, effectivement, je suis allée au forum du service civique. Donc j'ai été un petit peu par tous les stands qui m'intéressaient le plus et je suis tombée sur les jeunes pousses. Et au final, je me dis, je préfère être payée moins qu'un SMIC, mais travailler dans un endroit où ça me plaît, où je m'entends bien avec mes collègues, où c'est vraiment en concordance avec mes valeurs, qu'être très bien payée et puis travailler comme une acharnée avec 30 enfants, avec des punitions, tout ça. Mais je ne pensais pas du tout à un service civique. On me l'a proposé, je n'étais pas du tout pour au départ. Et au final, j'accepte. Et si on trouve un truc dans sa voie, dans ce qu'on veut, ça peut compenser, effectivement. Et ça compense encore plus mon projet. Parce que je voulais aussi confirmer mon projet professionnel si je voulais toujours travailler dans la petite enfance. Et ça a tout chamboulé. Parce que je voulais passer mon concours d'ATSEM, donc assistante maternelle en école. Et j'ai plus envie, parce que soit t'as une chance sur deux de tomber dans une école où c'est très bien, où justement ils font que de punir. Et j'ai plus envie de passer ça, quoi. Enfin, j'ai envie de continuer dans l'optique de travailler dans une école Montessori, sachant qu'en plus c'est en plein essor. Ouais. Donc non, ça me convient tout à fait, le service civique pour le moment, ça me convient. Et je suis en pleine évolution professionnelle aussi, donc on me propose des opportunités, des formations pour me former à ça. Parce que l'année prochaine, si tout se passe bien, enfin tout se passera bien, mon contrat passe, mais je remplace ma collègue et je serai éducatrice Montessori pour les 3-6 ans. Waouh! Donc franchement, je ne m'y attendais vraiment pas, je n'en demandais pas autant, je voulais juste concrétiser un projet et on me propose une promotion, enfin c'est vraiment une promotion quoi, donc je n'en demandais pas autant, c'est que du bonheur quoi. Waouh, ok. Et du coup, tu étais allée jusqu'au bout de ton CAP ou... Oui, bien sûr, je l'ai passé en compte d'allire parce que mes diplômes que j'avais du lycée m'ont permis de sauter des classes, des épreuves. Des épreuves, ouais. Donc ça a été très vite et j'ai eu des très bonnes notes. Je l'ai eu assez rapidement. Et c'est ce qui m'a... On est obligé d'avoir le CAP pour passer le concours d'ATSEM. J'avais pas le choix. Et j'ai pas du tout lâché mon CAP. Je suis pas allée à l'école. Je l'ai passé en candidat libre et puis voilà, quoi. Et du coup, quand t'as rencontré les jeunes pousses, qu'est-ce qui leur ont plu chez toi ? Ton intérêt ? Quand je suis arrivée, j'avais une passion pour la pâtisserie déjà. Elles ont tout de suite accroché, elles me disent, ah, c'est cool, on aura des gâteaux, on pourra faire des activités avec les petits, c'était ça. Non, c'était, je pense, elles ont vu que j'étais bienveillante, que je pouvais leur apporter des choses. Et peut-être ce que je dégageais, c'est ce qu'elles m'ont dit, ce que je dégageais, c'est vraiment ce qui leur a plu. Et ouais, vraiment ma personnalité et les gâteaux. Je reviens sur ce que tu disais un petit peu sur ton travail avec les personnes âgées. C'est marrant parce que j'entends beaucoup les gens qui disent oui, justement, ça manque de gens, ce secteur. Oui. Toi, tu dis qu'en fait, c'est pas forcément des boulots très faciles, c'est boulots d'une semaine. C'est pas évident. Il faut accepter mentalement de croiser des personnes qui sont plus du tout valides, qui sont seules, qui sont en fin de vie. Et oui, effectivement, on manque de personnes. J'en entends beaucoup parler. On manque de personnel là-dedans. Et c'est vrai que c'est pas évident, surtout avec ce qui se passe en ce moment avec les trop d'horaires, les surplus d'horaires avec le salaire qu'il y a. Et je les comprends, donc on manque de monde, il faut vraiment pas hésiter. et former, essayer de proposer peut-être plus de formations pour des personnes, je ne sais pas, en reconversion professionnelle ou des chômeurs. Ça peut être intéressant aussi. Donc, du coup, t'es passé d'un autre extrême à l'autre, de passer des petits vieux aux petits enfants. C'est ça. Mais après, ça ne me dérangeait pas du tout, l'aide à domicile. Mais c'est vrai, j'ai plus un attrait pour m'occuper des enfants que les personnes âgées. J'ai vraiment pris ça parce que, bon, j'avais des connaissances dessus. Mais maintenant, non, c'est vraiment la petite enfance. Je vais me consacrer uniquement à ça. Mais je ne dégrade pas du tout le métier d'aide à domicile. Bien au contraire, c'est tout à leur honneur de faire ça. Et il ne faut pas juste penser que c'est des femmes de ménage, des bonnes à tout faire ou des bonnes à, excuse-moi pour le terme, mais à torcher le cul des personnes. Ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup plus que ça derrière. On peut leur apporter un soutien moral parce que souvent, c'est des personnes seules la plupart du temps. C'est des personnes qui sont déprimées parce qu'elles voient qu'elles ont perdu des capacités ou qu'elles n'ont plus d'enfants qui viennent les voir. Donc, ne serait-ce que leur apporter un petit sourire, ça leur fait du bien aussi. Hein. Donc, il ne faut pas du tout... Le métier-là est souvent dénigré, c'est ça qui est dommage. J'ai entendu parler d'une EHPAD qui, je crois, prône les valeurs Montessori, qui essaye d'adapter un peu tout ce qui est Montessori pour les personnes âgées. J'en parlais hier avec ma formatrice, donc je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais pas qu'il y avait aussi ça pour les personnes âgées. Mais quand on y réfléchit, oui, parce qu'il y a le sensoriel qui ressort, il y a la pratique, donc le fait par exemple, on a un élément en vie pratique, c'est d'apprendre à verser de l'eau dans un verre. Et ben, il se réapproprie ça parce que, par exemple, une personne qui a la maladie de Parkinson, qui a des tremblements, peut-être que ça peut la faire travailler. Donc, tout ce qui est sensoriel, c'est vrai que je n'y ai pas pensé, mais quand j'en discutais hier, c'est vrai que c'est génial pour les personnes de se réapproprier le sensoriel, la broderie, des choses comme ça. Ouais, non, je ne connaissais pas. Et c'est vrai que c'est une très bonne idée d'adapter ça, le Montessori, pour les personnages. Et oui, effectivement. Alors, tu nous as dit tout à l'heure que du coup, tu avais fait un CAP et que tu comptais passer, avant que tu connaisses le service civique des jeunes pousses, tu comptais passer un concours, c'est ça, d'ADSEM, oui, c'est ça. D'assistante maternelle, c'est ça. C'est ça, assistante maternelle en école publique. Mais on est d'accord, enfin, entre guillemets, ton CAP ne t'aurait pas permis d'être enseignante. Grâce aux jeunes pousses, tu as carrément sauté une étape et dans les parcours classiques, oui. Quelqu'un qui fait un CAP et qui fait le concours d'assistante maternelle, il y a encore... comment on fait pour être... comment on appelle ça? Institutrice maternelle? C'est ça. Non, il y a encore d'autres en concours école à publique, passer ouais. En école publique, non, il faut... après, peut-être qu'il faut avoir un CAP, peut-être que ça peut être un plus. Mais non, je pense qu'il faut vraiment faire des écoles de professorat spécifiques. D'accord. Parce qu'après, éducatrice Montessori, c'est pas... C'est pas vraiment du professorat classique. C'est, si on a un minimum de après, il faut au moins des bases dans la petite enfance. Hein. C'est peut-être ça aussi qui a joué, mais pour les écoles publiques classiques, il faut vraiment, je pense, passer par les écoles spécialisées dans le professorat ou tout ça. Du coup, les jeunes pousses valorisent plus, on va dire, ton expérience, ta motivation que tes études. C'est en fait. Ça. Après, il faut quand même un minimum d'expérience. Mmh. Mais oui, la motivation, la bienveillance, comment tu te comportes avec les enfants. Il faut être forte en proposition aussi. Enfin, de proposition, pardon. Donc oui, il y a plusieurs choses qui prônent. Mais il faut au moins un minimum d'expérience, un petit diplôme dans la petite enfance. Oui. Et du coup, toi, tu es toujours sur Remiremont. Oui. Et c'est pas dur de faire toute cette route tous les jours quand il neige. Ça va. Bah, quand il neige, c'est un peu plus compliqué. Il faut prévoir de gratter le matin, la route. Mais ça va. 15 minutes, ça passe assez rapidement. Et il faut être prudent, hein, simplement. Mais ça va. Du coup, tu avais déjà, j'imagine, une voiture. Ça te faisait pas peur d'être mobile Oui. Elles m'ont posé la question. Oui, j'avais un moyen de locomotion. Oui. Ok. Du coup, quand tu recherchais quand tu es venue au forum des services civiques et jeter un œil, tu savais déjà qu'il y avait un thème entre guillemets éducation pour tous ou tu t'y attendais pas vraiment? Non, je m'y attendais pas. On m'avait dit oui, il y a plusieurs secteurs, donc le bâtiment, l'aide à domicile, il y avait tout. Et je me suis dit bon, je vais voir, peut-être que je peux trouver autre chose parce que j'avais vu aussi pour un service civique à la MJC d'Épinal. Et comme j'aime tout ce qui est littéraire aussi, je me suis dit ben je vais tenter aussi. Mais puisque ça faisait un an que je cherchais, donc je me suis dit il faut vraiment mettre la patate dessus et trouver un maximum de choses. Et je ne m'attendais pas à tomber sur des écoles, en fait, pas du tout. Et c'est vraiment par hasard, quand je vois école les jeunes pousses, bon, on va voir, on va se renseigner, ça ne coûte rien. Donc elles m'ont exposé leur école, tout ça. Mais non, c'est vrai, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choix, en tout cas autant de stands différents. Pour un service civique, je me suis dit oui, c'est peut-être limité à certains trucs, mais non, il y a vraiment du choix. Il y a eu d'autres annonces qui t'intéressaient Donc la MJC d'Épinal, il y a eu l'école de Saint-Dié, donc j'avais postulé, mais ils m'avaient prise. Les souris vertes, c'est ça du coup ? Les souris vertes, c'est ça, ouais. Et il m'avait... j'étais prise, mais la route, c'était vraiment trop. Et il faut savoir qu'un service civique, il n'y a aucune aide, ne serait-ce pour l'essence, parce que c'est du bénévolat rémunéré. Et comme ce n'est pas un salaire qu'on reçoit, c'est une indemnité. Donc, si on n'a pas un vrai travail, on n'a aucune aide, ne serait-ce que pour l'essence. Et je m'étais renseignée parce que je ne savais pas du tout. Et effectivement, les organismes comme Pôle emploi ne fournissent aucune aide par rapport à ça, parce que ce n'est pas considéré comme un vrai emploi. Okay. Et je m'étais renseignée là-dessus parce que c'est vrai que les souris vertes incendiées m'avaient vraiment plu. Le feeling était super bien passé, et même comme pour les jeunes pousses en général, hein, de toute façon. Et c'était vraiment à contre-cœur que je leur ai dit non pour la route, parce que ben, je n'avais aucune ressource, et en calculant, j'aurais pu dépenser presque au moins 200 euros d'essence par mois, et ça aurait fait beaucoup. Ouais, sachant qu'on gagne 500 et quelques. C'est ça. C'est pour ça que je précisais, si vraiment vous cherchez une aide extérieure, ne serait-ce que pour l'essence ou autre, ça, ne cherchez pas, parce que comme ce n'est pas considéré comme un vrai salaire, il n'y a aucune aide. Alors, je vais te proposer tout de suite une deuxième pause musicale avec Alf, désolé pour l'accent anglais, Alf Way to Nowhere de Chelou. Vous êtes toujours dans l'émission de Portrait Civique. Donc aujourd'hui avec Amandine de l'école des jeunes pousses du Giremont Val d'Ajol. Alors Amandine, on n'a pas parlé en quoi consiste exactement ta mission. C'était quoi les mots qui étaient écrits sur l'annonce ? Ah oui, donc être forte de proposition, donc pouvoir proposer des projets éducatifs, que ce soit par écrit ou même à l'extérieur, donc être forte de proposition, aider les professionnels dans leurs tâches. Donc, c'est un peu bête, préparer les feuilles, préparer les éléments pour la peinture, HST, donc surveillance de la sieste, surveillance de récréation. En gros, grosso modo, c'est ça. Enfin, oui, puis promouvoir aussi l'école. Donc, partager comme on peut avec nos moyens à nous quand il y a des manifestations, quand il y a des portes ouvertes, donc via les réseaux sociaux, distribuer des affiches. On n'est pas obligé, mais au moins partager via les médias, ça serait un plus. Donc, promouvoir l'école. Oui, grosso modo, c'est ça, être fort de propositions, voilà. C'est, du coup, tu avais un petit peu parlé des conférences, ciné-débat, tout ce qui est à côté. Tous ces ateliers, ça, c'est toi aussi, tu en fais un peu partie, tu organises, t'aides un peu, ou toi, ça va être vraiment plus ce qui est sur l'école, la vie de tous les jours? Alors, je peux participer, il n'y a pas de souci. Mais moi, je n'y participe pas parce que pour moi, j'en vois pas l'intérêt pour moi personnellement, mais ce serait pas un plus pour moi. Je n'ai pas nécessairement besoin d'y aller, donc non. Mais je peux y participer, tout le monde peut y participer, autant mes collègues y sont. L'autre institutrice qui n'est pas présidente de l'association, l'institutrice des grands, participe à certaines conférences. Ah, cherchais le terme conférence tout à l'heure. Les conférences, elle y participe. Mais non, moi personnellement, je n'y participe pas. Tu avais parlé un petit peu quand même de formation, donc tu t'es formée il n'y a pas longtemps. Comment ça se passe? C'est des organismes agréés qui te forment? Est-ce que c'est des gens qui ont de l'expérience? Alors, il y a des organismes. Donc moi, les formations que je fais, c'est les formations principalement Montessori. Donc, c'est, par exemple, la dernière que je suis en train de faire actuellement, c'est aux Souris Vertes, donc à Saint-Dié. Donc, comme c'est une école Montessori, elle est forcément spécialisée pour ça. Et il y a plusieurs organismes en France. Donc moi, les seuls que je connais, c'est celle de Saint-Dié et une où je vais aller principalement prochainement dans le sud. Donc c'est à Saint-Cana, à Aix-en-Provence, La Source, ça s'appelle, qui propose également donc tous les cycles, toutes les bases du Montessori. Pareil pour les Souris Vertes. Mais après, c'est les deux seuls que je connaisse, mais il y a plusieurs organismes en France, effectivement, qui forment à ça, au Montessori. Il n'y a pas d'âge pour se former? Non, du tout. Non, c'est vraiment tous les âges, à partir de 18 ans jusqu'à 77 ans. Tout le public peut y aller. Et par exemple, là, on en parlait hier, il y a par exemple des personnes qui sont vraiment sceptiques par rapport à la pédagogie, ou qui ont par exemple un conjoint qui est à fond dedans et l'autre conjoint qui n'y est pas du tout, pour lui expliquer, et qui sont là aussi pour en savoir plus, pour comprendre ce que c'est, à quoi ça sert... à quoi ça peut servir pour l'enfant et pour le parent également, parce qu'il y a un intérêt aussi pour le parent. Et voilà, non, vraiment, tout le monde peut y aller, tous les profils peuvent y aller. Et ça peut être à la charge personnelle ou à la charge de l'organisme dans lequel on travaille. Du coup, toi, cette formation, c'est l'école qui t'a aidé ou... Oui, c'est l'école qui me la finance. Oh, super. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment de la chance là-dessus. Mais ils me demandent aussi si je suis d'accord. Ils me le proposent, si je ne suis pas d'accord, bon bah tant pis. Et si je suis d'accord, là, ils peuvent me la financer, effectivement. Et celle dans le sud aussi, ils me la financent également. Ça n'a rien à voir avec la formation obligatoire citoyenne service civique? Non, ça n'a rien à voir. Non, là, c'est d'autres choses encore. Non. Tu l'as faite, du coup, cette formation? Alors oui, je l'ai faite au mois de septembre. J'ai fait deux jours de formation. Ouais. Et là, j'en ai une prochaine qui va arriver sur le PSC1. Donc, il faut que je m'inscrive, mais c'est des formations obligatoires, ça, par contre. C'était, par curiosité, c'était laquelle que tu as faite en septembre? Alors, en septembre, la première journée, c'était sur la paix dans... Enfin, c'était pas la paix dans le monde, c'était pour s'entendre avec tout le monde. Je crois que c'était la paix dans le monde, je sais plus c'était quoi, en gros. C'était sur comment résoudre des conflits et expliquer pourquoi il y avait des guerres dans le monde, tout ça. Et la deuxième, c'était sur les droits de la femme. Ok. C'était intéressant, ça, par contre, je crois que ça m'avait bien plu. Dis-nous un petit peu ce que tu fais comme atelier. Est-ce qu'il y a des ateliers que c'est toi qui proposes, qui organises avec les enfants? Ou tu nous as dit que tu faisais de la pâtisserie. Est-ce que du coup tu as su mettre ton talent Alors la pâtisserie, oui, forcément. Mais bon, pas autant que je le pensais, parce qu'on a d'autres centres d'intérêt aussi. Il n'y a pas que la pâtisserie, je n'ai pas que ça. Mais non, j'ai pu proposer des idées de pâtisserie par rapport à des thématiques précises, parce qu'une semaine d'école ou deux des fois... sont basés sur une thématique précise. Donc moi, personnellement, quand j'ai commencé à faire les thématiques toute seule pour commencer à me préparer pour l'année prochaine, j'ai commencé sur la semaine de Pâques et chocolat. Donc ça tombait bien, les enfants étaient contents, donc j'ai trouvé des trucs à faire avec le chocolat autre qu'un gâteau au chocolat. Donc on propose, oui, pâtisserie, il y a la botanique, des activités d'art plastique, donc par exemple à la manière d'un artiste en particulier. On a des activités donc de travail, hein, simplement, donc le graphisme, des maths, du français. Donc non, il y a vraiment beaucoup d'ateliers différents qui sont proposés. On a aussi des intervenants qui viennent. Par exemple, il y a quelques mois, on a une intervenante qui est venue pour la zoothérapie. Donc, elle a fait venir des cochonnins, des lapins, deux tourterelles aussi. Donc, on a ça. Et on est en partenariat, nous, les jeunes pousses, en tout cas, avec une fille dans le Poirier, donc, qui est située aussi au Jurement-Val d'Ajol, donc qui propose une fois par semaine des activités, surtout extérieures et avec les grands. Donc, nos deux plus grands de notre classe et les deux plus grands qui sont dans l'autre classe, la classe des grands. Et ils viennent une fois par mois les matins pour faire une activité avec tout le monde, les petits et les grands. Donc on va faire un spectacle en fin d'année entraîné avec une fille dans le Poirier, donc un spectacle, j'aurai la surprise. Et donc on a une fille dans le Poirier qui vient, qui font des activités surtout extérieures, donc ils ont fait un tipi grandeur nature, ils ont planté, dernièrement ils sont allés chez un pépiniériste à la demoiselle, ils ont choisi leurs graines, ils ont planté des fleurs, des plantes, tout ça. Et donc non, ils font vraiment, on a vraiment de quoi faire pour faire fonctionner l'école et proposer de diverses choses aux enfants. Il y aura un service civique après toi ? L'année prochaine, oui, il y a un service civique dans ma classe. Vous êtes toujours en recherche ou vous On est toujours en recherche, oui. Ok, donc si quelqu'un nous écoute. Exactement, n'hésitez pas. Et je suis cool, donc n'hésitez pas. Du coup, ça sera avec toi. Ok, et ça sera du coup qu'avec une classe, c'est ça ? C'est ça. Pour l'instant, on prévoirait qu'un seul service civique, pour l'instant, donc je ne peux pas trop en dire plus, mais je n'en sais pas plus pour l'instant, mais normalement, il y aurait un service civique que chez les 3 saisons. Est-ce que toi, ce que tu faisais, c'était avec les deux classes ou juste avec Non, les... c'était avec, principalement avec une classe, mais ça t'est arrivé d'aller, j'ai aidé de temps en temps, ouais. Voilà, l'autre classe si besoin, mais comme ils sont que deux en général, ça se passe bien, mais c'est surtout en tout cas pour les 3 saisons. Est-ce que du coup, si quelqu'un écoute et est intéressé pour faire un service civique aux jeunes pousses, est-ce que tu lui donnerais des conseils sur son profil, s'il aime plutôt telle chose ou s'il n'aime pas, est-ce que c'est mieux ? Alors le mieux, ça serait forcément quelqu'un qui aura un attrait pour la petite enfance, forcément. Est-ce qu'il faut avoir une formation ou sans formation, ça passe quand même ? En Montessori, par exemple ? Non, non, toi, tu avais quand même... Je pense qu'un diplôme, par exemple un bac ou même un CAP ou un BEP dans la petite enfance, ou comme moi j'ai fait avec plusieurs publics, serait peut-être appréciable, je pense. Ça serait le minimum, vraiment le minimum. Et puis être motivé et vraiment avoir un attrait pour les enfants et être bienveillant aussi. Et vraiment un petit peu oublier certaines choses qu'on aurait pu apprendre peut-être en école maternelle, en école publique par exemple. Mais non, au moins un petit diplôme et la motivation, c'est vraiment un plus, je pense. Et force d'initiative, c'est ça aussi ? C'est ça, force d'initiative, force de proposition. Donc s'il a des idées à proposer, ne serait-ce qu'en activité ou de faire venir des intervenants aussi, n'hésite pas, ouais. Vraiment être fort de proposition. Ouais. Est-ce que justement, toi, ça t'a changé ton regard sur ton parcours scolaire ? Parce que, du coup, j'imagine que tu as été en école classique. Oh oui, beaucoup, oui. Bah, vous voyez bien, maintenant, je ne veux plus du tout... Sauf si vraiment, j'ai vraiment pas le choix. Dans quelques années, j'ai vraiment plus de travail, je me retournerai vers le classique. Mais je pense que je me sentirais trop mal de revenir vers quelque chose qui finalement ne me correspondait pas. Mais comme je disais, voilà, là où j'étais en stage, ça s'était très bien passé, donc j'ai eu de la chance, ça me plaisait. Mais c'est pas toutes les écoles, peut-être que je vais tomber sur une école où ça se passera mal. Donc, puis comme l'école Montessori est en plein essor, je pense que je pourrais trouver quelque chose avec tous les bagages que j'ai au niveau des formations. Et ah oui, ça m'a complètement changé, même sur le regard que je peux porter sur une pédagogie. Je pensais pas trouver une pédagogie qui puisse me correspondre un jour. Moi, je pensais juste trouver un travail avec les enfants parce que ça me plaît. Mais non, on peut aussi trouver une pédagogie qui nous corresponde aussi, hein. Donc ah oui, ça a complètement changé mon regard. Et ça se voit, même quand j'en parle, ma famille me dit quand t'en parles, t'es épanouie. Enfin, oui, ça a complètement changé tout ça. Et tu aurais aimé, toi, quand t'étais petite, aller dans une école de ce type ? Pourquoi pas ? Ouais. J'aurais pu, Tu t'es pas posé la question ? Non, jamais, non. Non. Okay, après, j'ai jamais eu de soucis quand j'étais en école publique. Hein, mais il y a des choses qu'on apprend en Montessori que je n'ai pas appris en école maternelle, par exemple, que j'ai appris plus tard. Il y a des choses qu'on apprend en Montessori qui sont vraiment révolutionnaires et que j'aurais aimé, même l'aspect botanique, tout ça, avoir plus ça quand j'étais en école. Ou même théoriquement au lycée, je trouve que c'est dommage qu'ils ne parlent pas au moins tout vite un petit chapitre d'une heure sur les pédagogies alternatives, puisqu'il n'y a pas que Montessori en pédagogie alternative, qu'ils ne passent pas au moins un petit chapitre rapide dessus, parce que c'est vrai que je ne connaissais pas du tout avant d'aller au forum du service civique. Je pensais que c'était le nom de l'école de Saint-Dié, par exemple. Quand j'ai commencé à postuler, j'ai vu ça sur Internet. Je ne suis pas allée au forum du service civique. J'ai vu ça avant. Et je pensais que c'était l'école Montessori, les souris vertes. Mmh. Et seulement après, j'ai vu que c'était une pédagogie. Et c'est ça que je regrette aussi, qu'ils n'en parlent pas, parce que ben, tout le monde, que ce soit des enfants ou des personnes qui veulent travailler, n'ont peut-être pas forcément envie de travailler dans du classique ou dans du Montessori. Et ils devraient peut-être plus se proposer un plus grand éventail de pédagogie et d'écoles différentes, théoriquement. Et tu as un petit peu lu, au-delà de ta formation, lu des livres un petit peu sur la pédagogie? Oui, je me suis renseignée forcément quand j'ai parlé avec les jeunes pauvres, parce que je ne connaissais pas. Je me suis forcément intéressée sur Internet. J'ai repéré 2-3 petits livres aussi que j'ai pu trouver à la formation, que j'ai pris. Et je me suis renseignée, je n'allais pas arriver comme ça à l'école. Oui, bon, je vais faire un truc Montessori, on verra ce que ça donne. Non, non, je me suis un petit peu renseignée quand même sur la question. Et puis elles m'en ont parlé ouvertement aussi de ce que c'était, grosso modo. Hein. Mais oui, il faut forcément se renseigner pour connaître un minimum où tu travailles, hein, forcément. Après, je pensais peut-être à des ouvrages précis, si tu avais des choses à recommander à nos auditeurs ou... Pour le Montessori, je n'ai pas d'idée en tête. Il y a vraiment plein d'ouvrages. On en trouve partout. En plus, comme c'est vraiment en plein essor, on en trouve vraiment de plus en plus. Que ce soit des livres ou d'idées d'activités à faire à la maison avec son enfant, comme à l'école. Je n'ai pas d'idée précise. On en trouve à Cultura, on en trouve même à Cora, dans les grandes surfaces. On en trouve vraiment partout. Donc, pas d'excuses. Même sur Internet, on peut trouver des petits documents. Mais par exemple, sur la communication bienveillante, parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent, de Faber et Maslisch. Donc pour trouver un autre moyen de communication autre que de s'énerver après l'enfant, tout ça, ça peut être une bonne solution pour s'intégrer au Montessori aussi, comme ça fait partie de la bienveillance. Mais Montessori, non, il n'y a pas vraiment d'ouvrage type qui m'ont marqué, il y a vraiment plusieurs choses, il y a vraiment beaucoup d'ouvrages intéressants à voir. Alors une question peut-être que tu ne t'es pas encore posée, un jour si tu as des enfants, est-ce qu'ils iront en école Montessori ou tu accepterais l'école publique? Je me suis posé la question, franchement, je ne sais pas encore. Je vais voir, déjà, je vais peut-être l'établir un petit peu quand mon enfant sera en bas âge. Mais après, le mettre dans une école Montessori ou publique, je n'ai pas vraiment réfléchi. Ça sera vraiment comment, parce que tous les enfants ne sont pas adaptés non plus au Montessori. S'ils se plaisent très bien en école publique, tant mieux. Mais je ne veux pas forcer mon enfant à aller en Montessori parce que j'apprécie le Montessori. Non, c'est vraiment, je vais voir comment il évolue. Mais je vais l'appliquer un petit peu à la maison chez moi. Et puis j'ai le temps, hein. J'ai que 22 ans, j'ai le temps de penser à tout ça. Mais pour l'instant, je ne sais pas. Je verrai au jour le jour comment ça évoluera. Donc, disons que ça t'a vraiment, on va dire, changé ta vision de l'école publique. Mais ce n'est pas pour autant que tu renies totalement l'école publique. Quoi. C'est ça, parce que c'est pas non plus des écoles qui maltraitent. C'est juste des méthodes différentes, mais toutes les écoles ne sont pas comme ça. On a eu une dame en formation qui travaille dans une école publique et qui est institutrice et qui voudrait mettre un petit peu en place un peu de Montessori dans sa classe. Donc ça peut être un peu appliqué. Si le collègue est d'accord, si le directeur est d'accord, ça peut être appliqué un petit peu, pas totalement, mais un petit peu dans les écoles normales. Mais toutes les écoles publiques ne sont pas martyrisantes. Voilà, c'est pas non plus le principe de dénigrer les écoles publiques. Dans ton service civique, comment ça s'organise tes jours de travail? C'est par rapport aux jours de scolaires des enfants, c'est-à-dire lundi, mardi, jeudi, vendredi? C'est ça, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et j'ai mes congés scolaires aussi. Donc c'est en même temps que les enfants. Ok, donc ça peut intéresser les auditeurs qui seraient potentiellement intéressés pour le prochain service civique. Et ben, en tout cas, un dernier mot à dire avant de finir l'émission? Non, ben merci de m'avoir reçu en tout cas. Et vraiment, n'hésitez pas pour les inscriptions à l'école des jeunes pousses au Germain-Val-d'Ajol. Il y a une page Facebook qui existe. N'hésitez pas à prendre contact avec la présidente. On répondra à toutes vos questions, à venir visiter l'école. Et les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au 20 mai. Donc vraiment, n'hésitez pas, même si vous avez la moindre question pour visiter l'école, n'hésitez pas. Il y a un numéro de téléphone qui est affiché sur la page Facebook. Donc voilà. Ben, merci beaucoup Amandine, à toi d'être venue. En tout cas, chers auditeurs, c'était très très très probablement la dernière émission de Portrait Civique. En attendant, je vous souhaite donc une bonne semaine et peut-être à bientôt dans une autre émission, donc sur le 107 FM.